FrenchPod.com. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Quoi? Parle plus fort! Je n'entends rien! Moins fort, la musique! Attends! Je vais diminuer le volume! Je ne comprends rien!